Comme ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylon, maintenant que t'as un gun. Chrome 2, clip, une boîte de balles, là tu tripes. Tu cherches un power trip, click, click. Tu passes la journée à jouer avec, à laver, à planifier ton premier hit, comment tu vas sortir, comment tu vas agir. Hey les enfants, soyez prêts! Tu sors dans tes affaires. Monte en haut, dis hello à ton père, ta mère, ta soeur, ton petit frère. Fais ta prière, mange ton souper, ton dessert. Puis tourne en bas, jouer avec ton revolver. Mets les balles dedans, tu te prends pour Lucifer. Tu regardes dans le miroir, pis bam! Sans savoir, t'appuies sa gâchette, la balle fait un ricochet. Là, tu capotes, tu sers ton gun, monte en haut en hypocrite, sous prétexte que tu sais pas ce qui s'est passé. Mais ta mère est couchée par terre, avec une balle en tête, c'est bête. Comme ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylon, maintenant que t'as un gun. Comme ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylon, maintenant que t'as un gun. Comme ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylon, maintenant que t'as un gun. Ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Tout le monde dans ton quartier en a un, fait qu'un de plus ou un de moins, ça change rien, cool. T'achètes un 38 avec deux clips, mais tu tripes pas. Tu dis à personne, ce 38, c'est à toi, pour toi. Tu te prends pas pour le roi. Tu veux juste que personne prenne ce qui est à toi, puis je comprends ça. Fait que tu commences à le porter sur toi, partout où tu vas, ton attitude change un peu, t'as confiance en toi. Tout est pour le mieux, sauf avec ta blonde. Elle veut pas que tu te promènes avec un gun. C'est normal qu'elle bougonne, c'est ta blonde. Fait que t'accordes, tu vas la voir. Tu l'amènes à quelque part pour y montrer comment ça marche, un gun. Elle aime toujours pas les guns, mais elle trouve ça le fun. Vous faites l'amour dehors, à côté sur le char. Puis le tableau de tasser le gun. Elle pointe par mauvais bord, la dernière balle la perd fort. Elle tombe par terre, elle pleure. Vu que c'est pas un film, elle meurt. Elle puis bébé parce qu'elle était enceinte de toi. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylon, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylon, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylon, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun. Tu veux tes respects, tes props, comme Tupac. Fait que tu prends le boss avec ton Glock. Tu dévisages tout le monde sur ton passage, sauf les cops. Tu joues ton coup au rendez-vous, tout le monde t'armé des douze coupés dans des études à guitare, des machettes, des guns. Je me serais réveillé tard à toi, et dis, as-tu amené de la bière? Pourquoi? J'ai envie de boire. Toi puis ton coup, faites les fous. Personne vous teste, vous êtes ben trop fou. Mais là, y'a un autre coup qui rentre dans le métro. Le monde se dévisage, se regarde. Qui va brancher le premier? Qui va commencer le carnage? Miracle, personne parle. Hey, prochaine station, Berry UQAM. Ouf, ça sent la cam. Il bang, tu perds ton cam, ça ton âme. Parce que quelqu'un regarde ta dame. Tout ton bouche à massacrer, criblé, tiré, placé. Puis le dernier, tu t'es pas encore fait tirer. Mais n'a plus de balles. Tu regardes le gars droit dans les yeux. Tu sais que tu vas mourir juste parce que t'as voulu jouer au dur. Bon, là tu fais dur. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylon, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylon, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylon, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc